Salut les gens, c'est Eric et vous écoutez ou vous regardez Jeux de rôle en mode facile, les moments pédagogiques autour du jeu de rôle. Dans cet épisode conseil, je vais vous parler d'un conseil que j'ai entendu très tôt dans ma, entre guillemets, carrière de rôliste. Et c'est un conseil que j'entends encore parfois. Il ne faut surtout pas séparer les personnages de vos joueurs. C'est pas vrai. Cet épisode se déroulera en deux parties. En 1, pourquoi est-ce que je trouve que ce conseil n'est pas forcément adapté? Pourquoi est-ce que il faudrait séparer les personnages de ces joueurs? Et en 2, comment faire pour que cette séparation se déroule le mieux possible? Je comprends très bien pourquoi est-ce que son conseil est donné. Pourquoi est-ce qu'on conseille de ne pas séparer le groupe? C'est parce que c'est pas forcément évident d'animer une partie si les personnages sont dans des endroits différents ou à des timelines différents dans la fiction. Ça va causer tout un tas de petits problèmes. Je conseillerais néanmoins de séparer le groupe quand c'est nécessaire et je dirais même plus, ça peut apporter vraiment un plus à votre partie. Première raison de séparer le groupe de personnages joueurs ou PJ, c'est quand la fiction le demande. Parfois, l'histoire, l'intrigue, ce qui se passe dans la fiction au cours de la partie implique que les personnages joueurs soient séparés. L'exemple le plus parlant est celui de l'interrogatoire au commissariat. Si on joue des policiers et que l'on veut jouer une scène d'interrogatoire, il n'y a jamais tout le commissariat dans la salle d'interrogatoire avec le suspect. Souvent, il y a deux policiers, un qui va être le bon flic, un qui va être le mauvais flic. C'est ce qu'on voit souvent dans les séries. Mais si vous avez 5 PJ policiers, il n'y a pas de raison que les 5 soient dans la salle d'interrogatoire. Ça paraîtrait même illogique. C'est ce que moi j'appelle le syndrome du minivan. On le retrouve beaucoup dans Scooby-Doo, mais on va avoir tous les personnages dans le même minivan et qui vont tout le temps être ensemble. Et parfois, c'est juste totalement incohérent. Il y a l'exemple de l'interrogatoire, mais il y a pas mal d'autres exemples comme ça dans la fiction où ça n'a pas de sens d'être à plusieurs au même endroit pour faire la même chose. Deuxième raison de séparer le groupe, c'est pour gagner du temps. Gagner du temps dans la fiction, améliorer le rythme et également gagner du temps autour de la table. Un exemple tout simple, mais imaginons que l'on fasse une enquête. Voilà, ça, on fait un jeu d'enquête et il y a besoin d'aller récupérer des indices. Il y a une scène de crime dans un manoir avec des indices à récupérer. Il y a des documents à aller chercher à la bibliothèque. Il va y avoir comme ça, dans la fiction, plein de choses différentes à faire. Et la logique voudrait que les joueurs, en tout cas leurs personnages, se séparent pour gérer les différentes actions dans la fiction. Ça n'a pas de sens, là encore une fois, d'aller tous au manoir fouiller le manoir et la scène de crime, puis d'aller tous à la bibliothèque, puis d'aller tous interroger des témoins dans le village. Enfin bref, voilà, ça paraît assez logique. Ça semble assez évident dans la fiction que eh bien, on va faire les choses en parallèle pour gagner du temps. Et ce temps gagné va l'être doublement, parce qu'on va gagner une première fois du temps dans la fiction, parce que par exemple, si l'intrigue se déroule sur 24 heures et qu'il y a des deadlines, des timelines, des événements qui sont scriptés ou qui sont timés, eh bien voilà, s'il y a une bombe qui va exploser dans 24 heures, on a intérêt à se séparer pour fouiller la ville. Donc déjà, on va gagner une première fois du temps dans la fiction, dans l'histoire, qu'on raconte tous et toutes autour de la table. Et on va le gagner une deuxième fois ce temps autour de la table, parce qu'on n'aura pas besoin de jouer les scènes les unes après les autres, mais on va pouvoir passer de l'une à l'autre et ainsi gagner du temps aussi en temps de parole et en temps autour de la table. Et ça va permettre d'avoir des parties qui vont être plus rythmées, plus intéressantes, parce qu'on ne va pas devoir se taper une première scène, puis une deuxième scène, puis une troisième scène, et ça risque d'être un peu laborieux. Troisième raison qui fait que j'aime bien parfois séparer les personnages, c'est quand le genre le demande, le genre fictionnel. Par exemple, tout ce qui va être histoire d'horreur, il faut séparer les personnages. Parce qu'on a besoin qu'ils soient isolés, on a besoin de mettre du stress sur le personnage. C'est le cliché vu et revu dans les films d'horreur, c'est « Tiens, il y a un bruit dans la cave, tu devrais aller voir, John. » Et puis John, bah, il finit mort dans la cave. Mais c'est important de le faire, ça. Ça permet, c'est certes une facilité scénaristique, une facilité fictionnelle, mais c'est important d'avoir dans l'idée qu'on peut séparer les personnages pour les isoler, pour leur donner du stress, pour jouer un peu avec les codes du genre fictionnel que l'on émule. D'ailleurs, dans Monster of the Week, un jeu propulsé par l'apocalypse que j'aime beaucoup, une des manœuvres de la meneuse de jeu ou du meneur de jeu, c'est justement de séparer les personnages pour justement leur ajouter une difficulté. Ok, séparer les personnages, ça peut être intéressant parce que la fiction le demande, pour gagner du temps ou du rythme ou pour émuler un certain genre. Maintenant que le groupe est séparé, comment faire pour que ça ne soit pas trop compliqué à gérer pour vous, meneurs ou meneuses de jeu, que ça ne soit pas trop chiant à subir pour les joueurs et les joueuses autour de la table, et comment faire pour que le rythme reste agréable, sympa. Le principal conseil que je peux vous donner, la clé du truc, entre guillemets, pour que ça marche, c'est l'alternance. C'est, il faut alterner les différents groupes, le faire souvent, rapidement et à des moments clés. Quand je dis le faire souvent, c'est qu'il ne faut pas rester trop longtemps sur un même groupe, sinon l'autre groupe va s'ennuyer. Si on est sur le groupe qui fouille le manoir, eh bien, on va décrire le manoir rapidement, leur demander un jet de fouille, et ça c'est une deuxième petite astuce, mais ne pas hésiter à faire l'alternance à des moments clés, cliffhanger, ou lorsqu'on attend un résultat d'un lancer de dé, ou le résultat d'une action. Quand on va faire par exemple une révélation, tu trouves un double fond dans le tiroir, et à ce moment-là, tu regardes, et c'est ce que vous cherchiez depuis le départ, c'est... Et silence, on passe à l'autre groupe qui lui est à la bibliothèque et qui va faire ses propres recherches. Il ne faut pas rester plus de 5-6 minutes avec un même groupe, sinon l'autre groupe va forcément s'ennuyer, forcément ne pas écouter, forcément penser à autre chose. Ça, c'est vraiment la clé pour faire une bonne séparation, c'est d'alterner entre les groupes souvent, en essayant de le faire plutôt à des moments clés, soit parce qu'on attend un résultat d'un lancer de dés, soit parce qu'il y a une révélation, soit aussi, on peut changer quand il y a un moment de creux. Parfois, lors d'une scène, il va y avoir des moments d'action, où ça va bagarrer, où il va se passer des choses, où on va roleplayer, puis il va y avoir des moments un peu plus calmes, où il va se passer pas grand-chose, et souvent, le truc, c'est de changer de groupe au moment où ce moment calme arrive. On peut même, pour améliorer le rythme de notre partie, ellipser les moments calmes. Lorsqu'on passe au groupe 2, juste avant le moment calme, on gère le groupe 2, il se passe des choses, des machins. Puis, lorsqu'on vient au groupe 1, on élude, on fait une ellipse sur les moments calmes qu'il y a eu et on passe à la suite et ainsi de suite. Ne pas hésiter aussi à faire que le groupe se retrouve quand même à un moment parce que c'est quand même plus sympa quand tous les personnages sont réunis. Dernière petite astuce pour gérer la séparation de votre groupe de joueurs et joueuses, en tout cas de leur personnage, c'est ne pas hésiter à impliquer le groupe qui n'est pas présent. De base, un joueur ou une joueuse peut très rapidement s'ennuyer lorsque ce n'est pas à son tour de jouer. C'est normal, hein, ça arrive à tout le monde, moi le premier. Lorsqu'on n'est pas actif, lorsqu'on n'est pas concentré, lorsqu'on n'est pas en train de faire agir son personnage ou de réfléchir aux futures actions de son personnage, eh bien, on a tendance à s'ennuyer, on peut avoir l'esprit qui divague ailleurs, on peut être sur son téléphone, on peut faire des gribouillis, on peut faire tout autre chose. Et l'idée, pour éviter que cela se produise trop souvent, en plus de faire une alternance rapide et à des moments clés, c'est de proposer aux joueurs et aux joueuses qui ne sont pas impliqués dans la scène d'être un minima spectateur et de pouvoir interagir un minimum avec la scène en cours. Pour faire ça, j'ai plusieurs astuces, plusieurs trucs que j'utilise. Le premier, c'est que les scènes soient liées entre elles. Ce que l'on va faire au manoir va interagir plus ou moins directement sur ce qui se passe à la bibliothèque et inversement. Ce qui fait que les joueurs et les joueuses vont avoir une oreille attentive parce que ce qui se passe dans la scène B peut avoir des effets sur ce qui se passe sur la scène A. Soit parce que ça se passe avant, soit parce que ça se passe en même temps, mais il y a des liens. Bref, si toutes les scènes jouées séparément sont liées, soit parce qu'elles permettent d'atteindre le même objectif, soit parce qu'elles permettent d'affronter des antagonistes liés, bref, peu importe, mais voilà, trouver des raisons pour que les scènes soient liées entre elles Et automatiquement, la plupart des joueurs et des joueuses autour de la table vont écouter d'une oreille attentive parce que ce qui se passe dans la scène de l'autre groupe va influer directement sur sa propre scène ou sur nos futures actions. Et on va avoir envie de réfléchir à la suite de nos actions pour notre personnage. Et donc, on va être plus attentif. L'autre astuce slash truc que j'utilise pour essayer d'impliquer un minimum les joueurs et les joueuses autour de la table lorsqu'ils ne sont pas dans le groupe qui est en train de jouer, qui est en train d'interagir dans la scène, c'est de ne pas être trop strict sur tout ce qui va être méta, hors roleplay, discussion hors jeu, pour leur permettre d'interagir aussi, même si leur personnage n'est pas présent. Ok, ton personnage n'est pas présent, t'as rien à faire dans la scène, mais si toi, en tant que joueur ou joueuse, t'as une bonne idée et tu veux la partager aux joueurs ou joueuses qui sont dans la scène, tiens, tu devrais faire ça, ou prends le truc là parce qu'on en aura besoin plus tard, nous, ça ne me dérange pas. Je sais qu'il y a, des personnes qui sont pour l'immersion la plus totale dans leur personnage, qui ne veulent absolument pas mélanger ce qui se passe autour de la table et ce qui se passe dans la fiction, mais moi, en tant que meneur de jeu, ça ne me dérange pas. Et puis, ça permet aux joueurs ou joueuses qui ne sont pas impliqués dans la scène directement de quand même être spectateurs, de pouvoir donner des conseils, de pouvoir interagir, de pouvoir tout simplement dire « Ouais, ta scène de roleplay, là, elle est cool. » ou ce genre de choses. Et comme ça, les gens sont un peu plus attentifs pendant les 5-6 minutes où c'est pas à leur tour de jouer. Ils vont quand même pouvoir interagir si besoin pour donner des idées, des conseils ou féliciter du roleplay ou du jeu ou interagir tout simplement et dire « Oh, trop bien sur un jet de dés. » Voilà. L'idée, c'est vraiment de ne pas les brider sur l'interaction, même s'ils ne sont pas dans la scène. Oui, son personnage n'est pas là, mais ce n'est pas grave. Tu peux quand même parler, tu peux quand même dire ce que tu as à dire. Tant que tu ne coupes pas la parole des gens et que tu le fais de manière intelligente, ça ne me dérange pas. Au contraire, tu seras plus attentif. Voilà, cet épisode sur la séparation du groupe de personnages joueurs est terminé. Merci de l'avoir écouté ou regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas, dans les commentaires, à partager vos propres astuces. Je ne suis pas le seul, j'imagine, qui permet à ces personnages joueurs de se séparer. Comment vous le faites? Quelles sont vos astuces, vos trucs, vos conseils? N'hésitez pas à partager à la communauté, on sera très heureux de vous lire vos trucs et astuces. Et si cet épisode vous a plu, le pouce en bleu et le partage à tous ceux et celles qui souhaiteraient séparer leurs personnages joueurs. Merci et à plus.